Je sais que tu reviens bientôt, en attendant ton grand retour. Mon cœur s'épanche devant ta face, rendra la gloire au Dieu vivant. Donna honneur au roi vainqueur, ô roi vainqueur, tu es puissant. Ô gloire, alléluia, avec toi l'Église règnera. Ô gloire, alléluia, avec toi l'Église règnera. Je sais que tu reviens bientôt et j'entends ton grand retour. Mon cœur s'épanche devant ta face, rendant au Dieu vivant. Donna honneur au roi vainqueur, ô roi vainqueur, tu es puissant. Ô gloire, alléluia, avec toi l'Église règnera. Ô gloire, alléluia, avec toi l'Église règnera. L'Église régnera. Oh, oh gloire, alléluia, avec toi l'Église régnera. Oh gloire, alléluia, avec toi l'Église régnera. Avec toi l'Église règnera.